So whatever object arises from the six sense doors must be noted carefully. Another meaning is seeing in various ways in the mind and body. Seeing in various ways in the mind and body. Au cours de mes enseignements, il m'arrive fréquemment de rappeler la signification de Vipassana. Tout ce qui se manifeste, aussi porte sensorielle, doit être noté. Autrement dit, voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Dès qu'un objet se présente à quelque porte sensorielle que ce soit, il faut le noter attentivement. Mais il y a une deuxième signification au mot vipassana. C'est voir le corps et l'esprit de diverses façons. Lorsqu'on pratique assidûment et de façon sérieuse, on voit le corps et l'esprit de diverses façons. C'est la deuxième signification du mot vipassana. Ce mot a donc deux significations que vous devrez bien comprendre. Je mentionne souvent la première, à savoir que tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle doit être noté. Je ne parle que rarement de la deuxième signification de vipassana, à savoir voir le corps et l'esprit de diverses façons. Lorsque la méditation aura progressé, que l'attention se sera développée, le yogi verra clairement les phénomènes physiques et mentaux. Vous vous souviendrez sans doute des connaissances vipassana dont j'ai souvent parlé. Il y a d'abord la connaissance de l'esprit et de la matière, ensuite la connaissance des causes et des effets. Lorsque ces connaissances se manifestent, on peut dire que le méditant voit de diverses façons. Il voit le caractère impermanent, le caractère insatisfaisant et le caractère insubstantiel des phénomènes. Mais avant d'en arriver là, le méditant devra expérimenter ce que l'on appelle les états d'esprit. Ces états d'esprit vont devenir de plus en plus manifestes. Il n'est pas encore question à ce stade de voir le corps et l'esprit tels qu'ils sont réellement. Il s'agit pour le moment d'expérimenter très clairement les états d'esprit. Le méditant se plaint parfois. Avant de méditer, j'étais calme et depuis que je pratique, mon esprit est très agité. Je suis envahi par les pensées. Et parfois, des événements très anciens refont surface et ils accusent la méditation. En général, disent-ils, je ne suis pas perturbé, je suis calme, mais dès que je m'assieds pour méditer, mon esprit est assailli par les pensées et je ne me sens pas bien. C'est vrai, un non-méditant est heureux de vivre dans le monde des plaisirs sensuels. Il ne se soucie ni de son esprit, ni de son corps. Il se sent libre de regarder tout autour de lui. Il aime bien voir de belles images, entendre des sons agréables, sentir de bons parfums, etc. Il n'observe pas son esprit et donc n'en connaît pas la condition. Un méditant, par contre, garde son attention fixée sur le corps et note avec précision. Il doit être très vigilant. Il doit noter d'abord le mouvement de soulèvement, ensuite le mouvement d'abaissement. Et pour y arriver, il doit être très attentif. Plus il est attentif au mouvement de l'abdomen, mieux il voit l'esprit. Il expérimente directement par lui-même le caractère sauvage de son esprit. l'esprit vagabonde partout. Si le méditant est très attentif, il verra tout cela. Il essaye de maintenir son esprit sur l'abdomen et voit, directement dans sa méditation, que l'esprit refuse de le faire. Il court de tous côtés. C'est un méditant très attentif, car il voit qu'il y a constamment dans son esprit des souvenirs, des pensées. Il voit parfois des événements très lointains qui lui reviennent subitement en mémoire. Ce méditant comprend l'esprit et les états mentaux. Pensée, vagabondage, imagination. Parfois, il se met à critiquer mentalement. Parfois, il rivalise avec quelqu'un. Tout cela, ce sont les conditions de l'esprit. Pour comprendre la condition de l'esprit, il faut obligatoirement méditer. Un non-méditant ne voit pas la condition de l'esprit. Les méditants écoutent les enseignements et comprennent que par cette pratique, il est possible d'atteindre l'illumination, à commencer par le fruit du sotapanna. Ils sont alors très désireux d'y arriver. Mais pour atteindre l'illumination, il faudra qu'au préalable, ils aient compris la véritable nature du corps et de l'esprit. Ils devront comprendre l'impermanence, la souffrance et l'insubstantialité. Il n'est pas possible d'atteindre l'illumination sans avoir au préalable compris ces choses. Le méditant va donc commencer par expérimenter les états d'esprit dans sa méditation. C'est un passage très difficile. Il essaye de maintenir son attention sur les différents objets, mais il n'y arrive pas. L'esprit refuse de rester fixé sur ces objets. Il vagabonde sans cesse, se complaît dans le monde des plaisirs sensuels. Nous vivons dans Kamabhava, le monde d'expériences sensorielles. Et nous sommes donc constamment à la recherche de sensations agréables. Vision, son, parfum, saveur, sensations tactiles et pensées. La méditation n'est pas quelque chose de facile. Les difficultés ne manqueront pas. Cela peut se constater dans d'autres activités également, comme par exemple les études. Il y a toujours des difficultés sur le parcours, mais en méditation, ce sera tout particulièrement vrai. La méditation, c'est la tâche la plus ardue qui soit. Si vous pratiquez assidûment, vous pourrez vous en rendre compte vous-même. Est-ce facile de maintenir l'esprit sur l'abdomen? Est-ce facile de contrôler l'esprit? Non. Ce n'est vraiment pas facile. Le méditant vipassana va passer par toutes sortes de difficultés. Mais s'il veut être un yogi ardent, il devra les affronter. C'est un passage obligé. Au cours de la pratique, le méditant va donc expérimenter les états d'esprit. Il observe les mouvements de l'abdomen et voit son esprit qui fantasme, qui vagabonde, qui critique. Les pensées vont parfois le rendre très heureux. On peut penser tout ce qu'on veut. En imagination, on peut être tout ce que l'on veut. Vous voulez être roi, vous voulez être reine, vous pouvez être tout cela en imagination. C'est la condition de l'esprit. Parfois, vous serez fâché, anxieux, inquiet, tendu et très souvent, je pense, somnolent. Parfois, l'esprit sera agité, incapable de saisir les objets. Parfois, des expériences très anciennes vont vous revenir en mémoire lorsque votre attention se sera développée. Certains actes que vous avez faits dans le passé vont refaire surface et le regret va apparaître. Parfois, ce sera le doute à propos du Bouddha, de ses enseignements, de sa noble Sangha. Lorsqu'on pratique Vipassana, ces états mentaux vont forcément se manifester. C'est la condition de l'esprit. On les appelle les empêchements. Le premier de ces empêchements, c'est le désir sensuel. Ce premier empêchement envahit souvent l'esprit. En pali, on dit « kamachanda nivarana ». C'est le désir pour les objets agréables. Vision, son, parfum, saveur, objet tangible, pensée. Le désir va très souvent se manifester pendant la méditation sous l'une ou l'autre de ces formes. Mais souvenons-nous qu'il faut le noter attentivement dès qu'il apparaît. Le désir pour tel ou tel objet est en moi. Et nous devons comprendre le désir. Imaginons que nous soyons occupés à noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Subitement, un désir se manifeste en nous. Nous devons immédiatement le noter. Si nous omettons de le faire, il mettra beaucoup de temps à disparaître parce que nous allons nous y attacher. Parfois, ce seront des pensées très agréables. En méditation, les pensées envahissent continuellement l'esprit. Parfois, subitement, alors qu'on ne s'y attend pas, une pensée souvent incohérente apparaît. Il faudra donc apprendre à contrôler l'esprit. Le Bouddha nous demande de pratiquer de façon assidue. S'il nous demande cela, c'est pour nous donner une chance de réussir à contrôler notre esprit. Lorsque donc un objet visible se manifeste, nous devons immédiatement noter, voir. Lorsque c'est un son, entendre. Mais il n'y aura pas que le désir. La colère également va envahir notre esprit. Parfois, ce sera l'inquiétude, l'anxiété. Tout cela fait partie de la colère. Lorsque vous voyez que votre esprit est envahi, soit par l'aversion, soit par l'inquiétude, soit par la dépression, par la tension, vous devez noter. Vous êtes fâché? Vous notez fâché. Prenez votre temps, notez attentivement. Vous êtes triste? Vous notez triste. Deux ou trois fois. Ne vous contentez pas d'une note mentale superficielle ou mécanique. Observez attentivement. Ce sera probablement difficile de la faire disparaître, mais un méditant doit se souvenir des instructions du Bouddha. Pratiquez avec assiduité. Donc, lorsqu'il y a de la colère dans l'esprit, il doit noter colère. Si c'est de la tristesse. Même si vous notez la colère pendant une ou deux séances, vous ne la verrez probablement pas disparaître à ce stade. Vous n'êtes ici que depuis quelques jours. Mais il faut prendre l'habitude de noter ces émotions dès qu'elles se manifestent en vous. De cette façon, vous allez progressivement vous familiariser avec elles et vous saurez comment les gérer, comment leur faire face, comment les surmonter. Un méditant qui pratique de façon assidue et avec ardeur sait comment gérer ces choses. Il devient de plus en plus habile dans l'art de traiter les douleurs et les sensations. Les instructions sont très générales. Lorsqu'il y a de la colère, on demande au méditant de noter colère. Lorsque c'est de la tristesse, on lui demande de noter tristesse. Ce sont des directives de base. Mais il faut que vous les fassiez vivre dans votre pratique. Vous devez les enrichir de toutes sortes de détails. C'est de cette façon que vous allez pouvoir vous en débarrasser. La colère est une émotion très forte qui peut facilement se reconnaître de l'extérieur. Lorsque quelqu'un est fâché, c'est facile de le voir. Son visage, son comportement, tout indique qu'il est fâché. En méditation, il faut noter la colère. Essayez et voyez par vous-même s'il est facile ou au contraire difficile de noter cette émotion et de s'en débarrasser. Je vous ai parlé du désir sensuel. C'est une forme de loba, une espèce d'attachement. Loba s'insinue de façon pernicieuse. Il n'est pas facile de voir que l'on est pris par loba. Cela se passe souvent inconsciemment. Le méditant ne sait pas que le désir est en lui, alors que la colère est une émotion qui se reconnaît très vite et très facilement. Il faudra cependant noter le désir de la même façon qu'on note la colère. Il faut noter le désir dès qu'il se manifeste. Laquelle de ces deux émotions est la plus facile à noter? La colère ou le désir? Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Il n'est pas facile de se débarrasser du désir et de l'attachement. L'esprit est toujours en quête de quelque chose d'agréable. Je voudrais ceci, je voudrais cela. Le désir va parfois devenir très puissant. Certaines personnes sont folles de certaines choses. Elles sont folles de certaines saveurs, de certains touchés, de certaines pensées. Dans tel cas, on parle de upadana, attachement, saisie. Le premier type de désir, loba, le désir qu'on peut avoir pour ceci ou pour cela, il est encore possible d'y renoncer. Mais lorsqu'il s'est développé et qu'il est devenu upadana, l'attachement, cela devient beaucoup plus difficile de s'en défaire. Upadana est beaucoup plus fort. Il est très difficile de se débarrasser, de renoncer à quelque chose à quoi on est très attaché. L'attachement, la saisie, n'est donc pas un désir ordinaire. C'est un désir très puissant appelé upadana en pali et il est très difficile de s'en débarrasser. La colère est une émotion très forte qui a des effets sur le corps, mais ce n'est pas de l'attachement. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il est possible d'éliminer la colère de l'esprit. Si vous prenez l'habitude de la noter, vous verrez qu'on s'en débarrasse plus facilement que du désir et de l'attachement. Lorsque donc le désir se manifeste en vous, notez-le attentivement. Il finira par disparaître. Et lorsque c'est la colère, notez-la attentivement et vous verrez qu'elle disparaît également. Que ce soit facile ou difficile, le devoir du yogi, c'est de noter toutes ses émotions à l'instant même où elles se manifestent en lui. Si vous ne notez pas immédiatement, vous ne pourrez pas expérimenter la disparition de ces émotions. Le désir et la colère sont donc les deux premiers empêchements. Viennent ensuite la somnolence et la torpeur. Au cours de la pratique, et surtout en posture assise, le méditant va très souvent expérimenter ces états d'esprit. Même si parfois la somnolence est due à la fatigue, c'est très souvent un manque d'énergie mentale qui est à l'origine de la somnolence. Dès que vous constatez qu'elle est en vous, vous devez noter somnolence, somnolence, torpeur, torpeur. Les méditants sont parfois très découragés lorsqu'ils voient arriver la somnolence. Que doivent-ils faire? Si c'est le cas, ils doivent noter découragement, découragement, aversion, aversion, puisque lorsqu'on pratique vipassana, c'est tout ce qui se manifeste à chaque instant qui doit être noté. Au début, vous essayez d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais votre esprit n'arrive pas à adhérer fermement aux objets malgré vos efforts. Et la somnolence vous envahit petit à petit. Vous devez alors noter somnolence, somnolence. Si vous êtes pris de vertige parce que vous êtes incapable de noter clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous devez noter vertige, vertige, torpeur, torpeur, selon ce que vous expérimentez. Vous devez noter tout ce qui se manifeste, que ce soit la somnolence ou la torpeur. Si c'est la torpeur qui est en vous, vous devez noter torpeur, torpeur. Prenez tout votre temps. Notez pendant 5 ou 10 minutes, cela n'a aucune importance. Notez attentivement. Si vous n'arrivez pas à noter avec précision, remettez-vous en mémoire les instructions. Le yogi doit être attentif de façon précise à l'objet. Si vous ne fournissez pas suffisamment d'efforts, que vous ne notez pas de façon attentive, la somnolence ne tardera pas à apparaître. Il est possible également que la somnolence soit due à une nourriture trop riche, comme par exemple le beurre, le lait, le fromage. Ce type d'aliment alourdit l'esprit. Parfois, la somnolence sera due à un manque d'intérêt pour la pratique. Ce n'est pas vraiment de la paresse. Vous ne voyez pas clairement les objets, vous commencez à vous ennuyer et la somnolence s'infiltre avec la torpeur. Donc, si pour quelque raison que ce soit, la somnolence et la torpeur sont en vous, vous devez noter somnolence, somnolence, torpeur, torpeur. Mais ces facteurs dont il vient d'être question ne sont pas toujours la cause pour la somnolence. Ce troisième empêchement, le samadhi, la concentration, peut parfois en être responsable. Je vous en ai parlé hier. Lorsque vous serez devenu très habile dans l'art de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que vous pourrez le faire sans interruption, votre esprit va se stabiliser, il n'y aura plus de pensée, plus de vagabondage, et la somnolence peut alors apparaître. Dès que vous en rendez compte, notez-la attentivement. Au moment où vous la notez attentivement, elle va disparaître. Mais parfois, ce sera l'agitation qui va envahir l'esprit. Vous êtes incapable de rester fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous n'arrivez pas à maintenir votre esprit, ne fût-ce qu'une seule fois sur l'objet. Vous êtes pris par l'empêchement de l'agitation. Vous n'êtes pas calme, vous n'arrivez pas à méditer paisiblement. Votre attention est éparpillée et vous ne voyez rien, ni dans le corps, ni dans l'esprit. C'est le signe d'un déséquilibre des cinq facultés de contrôle. Je vous ai expliqué précédemment que si ces cinq facultés ne sont pas en harmonie, toute la pratique est perturbée. Lorsque l'effort est faible, l'attention le sera également. Si l'attention est faible, l'esprit qui note n'observe pas de façon précise et l'agitation apparaît. Un esprit agité est un esprit qui flotte au-dessus de l'objet. Il ne le pénètre pas. Le méditant doit alors se souvenir des instructions et noter « agitation, agitation, agitation ». Il doit faire un effort tout particulier pour être attentif de façon plus précise à l'objet. Il devra faire preuve de patience. L'agitation peut se manifester par à-coup. Il est possible qu'à certains moments, vous soyez capable de noter avec précision. L'instant d'après, vous en êtes incapable. Voyons maintenant, Kukucha, le remords. Vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, la posture assise, le toucher et tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Vous vous sentez très calme. La posture est confortable, votre concentration est relativement développée et votre esprit est clair et pur. Votre pratique est bonne et vous vous sentez très bien. Subitement, quelque chose de négatif vous revient en mémoire. Ceci est très possible. Rappelez-vous qu'en tant que Putujana, un être non illuminé, nous avons probablement fait dans le passé des actes négatifs à cause de l'ignorance. Parfois, ce sont des choses positives que nous aurons faites. Si ce sont des actes positifs qui nous reviennent en mémoire, nous nous sentirons heureux. Mais si ce sont des actes négatifs, c'est le regret qui va apparaître. Ceci est très fréquent. En principe, le yogi sait comment gérer ces choses. Lorsque le regret est en lui, il note « regret, regret ». Si c'est l'agitation, que son esprit est éparpillé, il note « agitation, agitation ». Le doute, le cinquième empêchement, va également envahir le méditant au cours de sa pratique. S'il n'arrive pas à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ni aucun autre objet, l'esprit va devenir agité. C'est classique. La colère peut apparaître dans ce cas, mais c'est plus souvent le doute. Le doute, c'est la confusion. Au lieu de continuer à noter attentivement, le yogi se met à penser. Que suis-je venu faire ici? Je perds mon temps. J'aurais dû rester à la maison. J'aurais pu aller au restaurant, manger ce que j'aime, retrouver mes amis, etc. Ici, je n'expérimente rien. Est-il vraiment possible d'atteindre l'illumination par le simple fait d'observer l'abdomen? En observant le pas gauche, puis le pas droit? C'est de cette façon que le doute s'installe, et c'est un grand ennemi. Imaginez que vous rouliez sur l'autoroute en direction de Bruxelles. Les voitures roulent très vite, vous aussi. Vous arrivez à l'échangeur. Vous n'avez pas un instant à perdre. Vous n'avez qu'une seconde pour choisir la direction. Et votre esprit devient confus. Si vous ne vous décidez pas tout de suite, vous risquez de ne pas arriver à destination. En méditation, c'est la même chose. Le doute apparaît très subitement dans l'esprit et parfois à votre insu. Même si vous êtes confiant, vous n'êtes pas à l'abri du doute. Vous avez une certaine confiance, une certaine sadda, puisque vous êtes venu ici au centre pour méditer, personne ne vous y a forcé, vous êtes venu de votre plein gré. Mais le doute est toujours susceptible de se manifester pendant la méditation. Le devoir du méditant, c'est de le noter. Doute, doute, doute, notez le doute. Si vous réussissez à le faire de façon pénétrante, vous le surmonterez. Et la confiance va se renforcer, comme je vous l'ai déjà expliqué. C'était donc là les cinq empêchements, les obstacles à la pratique. Ils nous empêchent de voir de diverses façons. Nous devrons les surmonter par l'attention. Dès qu'ils auront été surmontés, l'esprit va devenir calme, pur et clair. Un esprit calme, pur et clair voit les choses telles qu'elles sont réellement. Il voit les trois caractéristiques des phénomènes. So these are called hindrances or obstacles. They always obstruct our practice to understand or to see in various ways of mind and body. We have to overcome them by noting. Once the yogis overcome them, the mind is still. When the mind is still, the mind getting pure and clear. The pure mind, clear mind, can see the things clearly as they really are. that is three characteristics. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then through the practice, may you understand the Dhamma clearly, then attain Nibbana.